Alors, moi, je vous propose qu'on passe, effectivement, en plus, Bernard Bessa souhaitait intervenir tout à l'heure, qu'on passe à un temps de discussion maintenant, puisque c'est exceptionnel. Aujourd'hui, on va pouvoir déborder un petit peu au-delà de 20 heures, ce qui ne sera pas le cas, malheureusement, pour les séances ultérieures. Donc, c'est une chance dont nous pouvons profiter. On va pouvoir discuter et que chacune d'entre vous, envisager de poser des questions à nos invités aujourd'hui aussi, puisque on a la chance de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Bernard Bessa, cinéaste, réalisateur. Je crois que c'est une très bonne idée de faire partir la vidéo de 1968, enfin de mai 68, puisque c'est une vidéo militante, d'après ce que tous les groupes qui ont été constitués. Et effectivement, en 68, comme vous le savez, l'ORTF a été en grève et a été une des dernières entreprises à reprendre le travail, a toujours voté contre la reprise du travail. Et les personnes qui étaient à l'ORTF, dont je faisais partie, allaient bien sûr tourner en 16 mm dans les endroits. Et ces bobines inversibles étaient confiées effectivement soit à Cognac-Gé, soit au Butte-Chaumont. Et beaucoup se sont perdus. On réapparut quelques temps après, on ne sait pas comment. Et bon, même à l'étranger, donc elles ont beaucoup voyagé, mais elles n'ont jamais été effectivement exploitées tout de suite. Mais à l'intérieur des professionnels de l'ORTF, bien avant 68, il y avait déjà des militants qui étaient contre la télévision du général de Gaulle et qui avaient été exilés en Afrique. Je l'ai appris en septembre 68, quand je me suis retrouvé à la télévision scolaire du Niger, pour échapper au service militaire. Donc je m'étais fait nommer dans une télévision, je ne savais même pas qu'il y avait une télévision au Niger, je ne savais même pas ce qu'on y faisait. Et quand je suis arrivé, un ingénieur de l'ORTF qui était là depuis 64-65, qui avait travaillé avec les Américains, avait décidé que toute la télévision ne se faisait qu'en vidéo. Donc nous arrivions là-bas avec notre pratique du cinéma complètement démunie devant le matériel vidéo. Ce matériel vidéo était en PEX 2 pouces. C'était pire que de ne pas pouvoir faire le montage dont parlait Paul, puisqu'il fallait enregistrer sur un magnétoscope, transporter le magnétoscope qui pesait effectivement près de 70 kg, on était à deux, dans la salle de diffusion, enfin dans l'antenne de diffusion, parce qu'on ne pouvait même pas relire une bande sur un autre magnétoscope. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas compatibles entre eux, même s'ils avaient la même marque et la même définition. Ensuite sont arrivés les IVC, un pouce effectivement. Et ces gens-là, donc je ne savais même pas que cette vidéo existait. On a appris à s'en servir là-bas. Et je dois dire, comme Paul qui fait souvent allusion à la CGT, qu'effectivement, quand nous sommes revenus après travailler à l'ORTF et qu'on disait qu'on travaillait sur de la vidéo, les gens ne voulaient même pas nous croire. Et en plus, on était considérés comme des minables parce qu'on n'avait pas continué. Heureusement que Serge Moati, qui était aussi au Niger, lui refusait de tourner en vidéo, il tournait sur la caméra 16 mm de Jean Rouch, qui était au centre culturel, pour pouvoir faire ses propres films et ensuite les diffuser sur Sainte-Colonne à la ville. Nous, on tournait en vidéo, effectivement, en vidéo là-bas, il n'y avait pas de droit d'auteur, enfin, il n'y avait pas d'auteur, il n'y avait rien du tout, et on s'était rediffusé comme ça. Ensuite, quand le mépris pour la vidéo, c'est vrai, existait en France. Quand la vidéo légère est arrivée, elle a commencé effectivement dans les groupes militants, puis un peu dans les institutions. Tout ça pour des questions de coût, parce qu'ils pensaient que c'était moins cher, mais ils se sont rendus compte très vite que si on voulait faire la vidéo correcte, avec ensuite, quand est arrivé l'Umatic, le Beta, etc., il fallait autant de temps, autant de difficultés, c'était aussi difficile. Et il fallait des connaissances. Quand on a installé la vidéo dans les stations régionales de France 3, je ne sais plus exactement dans quelle date, mais c'était dans les années 75-76, dans des stations déshéritées d'Ajaccio, de Montpellier et de Limoges, le seul but était un souci économique. Mais ils avaient oublié que les techniciens n'avaient pas du tout été formés et ils ne s'en sortaient pas. Donc c'est à ce moment-là que les groupes auraient pu venir donner des cours aux professionnels. Ils étaient complètement démunis, ils ne savaient plus sur quel bouton il fallait appuyer. Alors là, ce n'était même pas le montage chronomètre, parce qu'il y avait quand même étaient apparus déjà des compteurs assez précis. Mais il y avait déjà les boîtiers, il y avait déjà les tables de montage, c'était déjà assez sophistiqué. Mais ils ne savaient pas s'en servir. Donc, très vite, on a dit, on va abandonner la vidéo, parce que la vidéo, ça ne marche pas, ils n'arrivent pas, c'est mauvais. Puis alors, les techniciens, enfin les monteurs, étaient furax, parce qu'ils n'avaient pas été formés. Et ensuite, bon, je ne vous raconte pas la fin de l'histoire. Enfin, c'est pour vous dire que la vidéo, vous la faites démarrer en 68, mais il y avait quand même des gens à l'intérieur des professionnels, des rebelles, des gens qui avaient été, comme vous le savez, c'est toujours en Afrique qu'on expérimente les choses bonnes ou pas bonnes, les armements en général, là c'était de la vidéo. Bon, ça fonctionnait, mais il fallait des gens un peu pionniers là, dans ce domaine. Et il y en avait aussi parmi les professionnels. Donc, j'oublie le nom de cet ingénieur qui avait tout monté là-bas au Niger, qui s'est ensuite occupé de la Côte d'Ivoire, où ils n'ont pas voulu de film parce qu'ils estimaient qu'ils étaient un pays riche, ils ne voulaient pas de film parce que la vidéo était considérée comme un matériel de pauvre. Et ils ont démarré en film. Ensuite, ce n'est qu'au bout de 4-5 ans que la Côte d'Ivoire a accepté, lorsque sont arrivés les Japonais avec du matériel léger, d'utiliser la vidéo. Et encore, c'était sous toute réserve. Parce que d'abord ça concurrençait aussi la boîte de Thomson des intérêts français, mais disons que là c'était enfin c'est une autre histoire. Donc on peut la faire démarrer 64, 65, il y avait déjà des rebelles à l'intérieur du système. Oui, c'est ça, puis il y a un nouveau international. Oui, c'est la vidéo lourde, mais là c'est la vidéo lourde. Oui, mais il y a eu aussi de l'utilisation de la vidéo légère en Côte d'Ivoire à partir de l'année 72-73. Oui, voilà, il fallait d'abord inventer les caméras. Elles existaient. 67, elles existaient, elles 7, arrivaient 6. Par les... Parce que c'était en Côte d'Ivoire une télévision qui était sous l'égide de l'UNESCO avec participation internationale, notamment des Japonais. Et les Japonais ont introduit pour les émissions qui se passaient dans les campagnes à destination des paysans. Il fallait tourner en vidéo légère à l'intérieur des... Alors là, parce que nous, quand on tournait, c'était avec des camions, avec machin, tout le bazar. Et là, ils avaient prouvé qu'avec deux personnes, on pouvait aller tourner facilement. C'était dans les années 72-73. Là. On vous laissait tourner en pâle ou bien c'était en sécam? Alors, c'était... Alors, le gros problème, c'était diffusé à sécam. Puisque la France avait imposé le système sécam, mais les caméras étaient effectivement en pâle. Donc, on avait des transcodeurs qui passaient du pâle au sécam, mais on ne pouvait pas passer du sécam au pâle. Donc, on ne pouvait pas remonter sur le matériel pâle. Ça, c'est encore un système technique. Et le noir en vidéo légère, le noir et blanc, c'est poursuivi jusqu'en 1978. La couleur est apparue en quelle année? 80? Non, 79. Il me semble qu'en 77, 78, il y avait déjà des vidéocouleurs. 77? Mais c'était déjà chaud parce qu'à cette époque-là, on s'était embarqué pour suivre une grève de marins-pêcheurs sur un chalutier à Boulogne. On est resté 3 jours et 3 nuits en mer. Et puis, quand ils sont aperçus au retour que c'était en noir et blanc, alors là, ils nous causaient du coup. Parce qu'il y avait Antenne 2 qui venait d'apparaître en couleur. Est-ce que certains d'entre vous, certaines souhaiteraient poser des questions, et parmi les invités, parce qu'on n'a pas posé, enfin, on n'a pas évoqué tous les sujets qu'on avait prévus, et notamment la question de la diffusion, mais qui reviendra dans d'autres séances, parce qu'évidemment au tout début c'est extrêmement compliqué de diffuser, de se déplacer. Il n'y a pas encore le groupe, le collectif Mon Œil qui s'est fondé, il ne va pas se créer, et notamment autour de 4 collectifs que l'on invitera pour la prochaine séance. Il ne se créera donc qu'en décembre 1974. Donc à cette époque-là, eh bien, la diffusion, bah, vous déplacez. Quoi. Et c'est projeté sur des petits moniteurs. C'est toujours, je pense, en fait, aussi aux étudiants qui sont là et qui n'imaginent pas forcément le contexte dans lequel on voyait, dans le contexte dans lequel les bandes pouvaient être présentées, c'est-à-dire sur des petits moniteurs dans des super grandes salles ou des plus petites. Mais en l'occurrence, ça pouvait être y compris des grandes salles comme au Palace, vous nous aviez raconté. Ah oui, la grande salle du Palace, on avait un moniteur qui était grand comme ça. Qui avait la taille de celui-là. Ouais. Sur la scène, très bon baffle, et toute la salle, jusqu'au plafond, a vu le film comme un timbre-poste. Mais comme le son était bon, parce que justement, Paul disait que le son était bon, et c'est vrai, si on avait un bon micro et qu'on faisait attention, en fin de compte, comme c'était la parole qui comptait, là c'était la parole des jeunes enfants, enfin des collégiens, mais ça suffisait. Mais pardon, le son n'était pas enregistré, pas mis sur les caméscopes de jeu. Est-ce qu'il fallait avoir une... Oui, c'est vrai. Mais ce qu'on n'avait pas, c'était la vidéo couloir. Non, il y a un petit micro. Il y a un micro. Alors, vas-y, raconte-nous, c'est quoi la vidéo couloir? C'est-à-dire qu'on pouvait être invité, comme vient de le raconter Anne, sur une scène et tout, les gens regardaient, mais parfois, pour agrémenter des soirées, on disait, ben oui, ce serait bien que vous veniez avec votre vidéo, et ça restait, disons, dans le couloir de la mutualité et tout, alors c'est... En coupant c'est... le son, en plus. Oui, donc ça, c'était vraiment du temps perdu, porter tout ça pour de la vidéo couloir. Vidéo d'ameublement, pratiquement. Ouais. Que, oui. Il n'y avait pas tellement de précédents, on a l'impression. C'est, les gens qui ont eu cette idée-là à l'époque ont eu une sorte de préscience d'un mauvais usage de l'audiovisuel qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est quand même cet usage d'ameublement, malheureusement, il est quand même très... Il est quand même très fréquent, c'est quand même étonnant de voir. Oui, mais parce que c'était des meetings, et ce qui est important, c'est les losers qui sont là. Oui, bien sûr. Et nous, on faisait un peu comme les chocolats glacés. Quoi, là. Mmh. Oui, mais il faut dire que c'était quand même très gratifiant d'avoir ce contact avec un public. Alors, le poste était peut-être petit, mais c'est vrai, comme tu disais, 300 personnes regardaient ça fascinées parce qu'il n'y avait pas ça à la télévision officielle. Hein. Il faut se rappeler de ça. Alors, on s'est retrouvé souvent avec des caméramans de la télévision sur le Larzac ou etc. Avec, ils avaient leur petite caméra, pas sonore, quoi. Ils enregistraient juste l'image, quelques minutes. Et nous, on était à côté et il y avait alors il y avait ce mouvement qui était vraiment très porteur aussi. Hein, sinon, ça ne s'expliquerait pas trop. Quoi. Il y avait des séances comme cette photo le suggère. Hein, il y avait une intention. Je crois aussi qu'il y avait portée au travail. Quoi. Il y avait une position quasi idéologique. Hein. Ouais. Tu vois, je veux dire, par exemple, le père Godard, s'il s'est mis à faire de la vidéo, c'est parce que lui, il a cru aux états généraux du cinéma. Donc, moi, je dis toujours Godard, c'est dans le cinéma la bonne femme des usines Vondère. C'est je ne rentrerai pas à l'usine. Comme il ne veut pas rentrer à l'usine, il faut qu'il invente d'autres matériels pour ne pas rentrer, qu'il rencontre d'autres gens, qu'il trouve d'autres zozos avec qui parler, donc il trouve quelques zozos avec qui il va parler, d'autres instruments pour ne pas rentrer à l'usine. Et il y avait quand même l'idée que la vidéo, c'était pas le cinéma. Alors, ça a l'air paradoxal à ce que j'ai dit au début, mais il y avait ces deux choses qui étaient en même temps. C'est qu'à la fois, c'était pas le cinéma, mais à la fois, c'était plus chiant que le cinéma. Au début, hein. Très objectivement, si l'idée c'était de diffuser largement, on diffusait moins que le cinéma. Je veux dire, tout ça est vrai aussi. Et d'ailleurs, Godard, regarde ce qu'il a fait. Il a laissé tomber, il est revenu quand les instruments, il est revenu tour et détour. Il a compris le truc juste après son tweet. Il a compris qu'est-ce qui se jouait là. Ça l'a intéressé pendant un ou deux ans. Il s'est dit vraiment, ces instruments, j'y comprends. Évidemment, il ne comprend jamais rien aux instruments. Mais là, ceux qui croyaient comprendre, ils ne comprenaient vraiment rien. Et il est revenu quand on lui a dit c'est pareil que le cinéma. En gros, tu te retrouves à ta table de montage, je veux dire, c'est pareil quand Louchansky, il prend la caméra Bosch pour faire tourner des tours, tu aurais vu la caméra Bosch, et bien un truc, tu vois, je veux dire, c'était presque une caméra 35, tu vois. Et donc, il revient là, mais il y avait aussi le désir de dire non, nous on n'y va pas, quoi. on n'est pas de la même réalité. Mais on connaissait tous les spectateurs, c'est ça. C'était ça aussi. Non, mais on aurait pu connaître tous les spectateurs, parce qu'on leur faisait des... L'image est bonne, oui. Mais c'est vrai, on était 50, et souvent c'était un effet de reconnaissance. On tournait un film sur des grévistes, et puis on allait leur montrer. On avait un petit écran comme ça, il y avait une salle plus grande que ça, ils étaient 100 ou 150, Et comme au Palace, je ne sais pas quel film vous montrez au Palace, mais c'est ce que Daniel m'a raconté. Moi, j'étais à Cerisay quand elle est retournée montrer le film. Bah, on entendait les mouches voler, ils riaient à chaque partie de telle ou telle. Et pourtant, l'image était comme ça. Mais, et là, c'est vrai qu'il y avait cet effet. Les gens se connaissaient entre eux. Voilà. Et nous, on connaissait les gens. Moi, je demanderais bien à Paul pourquoi, à son avis, la vidéo militante s'est perdue dans les sables. À partir du moment où, où le matériel devient pratique et abordable, ça disparaît. Non, ça s'est pas perdu. Moi, je ne sais pas comment répondre. En ce sens que je n'ai jamais vécu la vidéo comme militante. Moi non plus, mais bon. Non, mais je dis franchement, ce n'est pas un paradoxe. C'est-à-dire que, pour moi, c'était un instrument qui me permettait d'être en contact avec des gens que sinon j'aurais très peu de chance de connaître. C'est comme ça que je vois la chose. Et même Carole a vécu, tout en étant passionnée par l'image, sa passion numéro un quand même, c'était les gens qui étaient en face d'elle et pas la caméra. Elle n'était pas prisonnière de la technique. Elle était, je peux juste pour vous répondre, je vais vous donner juste une anecdote qui est très courte. Quand on était allé chez Schaeffer, on a fait des essais avant. Et puis on passait nos bandes, il y en avait 3 ou 4, et parmi celles-ci, une assez inoffensive, qui était un essai un petit peu du tournage et du montage, et qui était une très jolie petite bande. Et que donc, je demandais au technicien qui était avec moi de la passer pour voir comment elle passe. Et ils avaient 2 ou 3 oscilloscopes du vectoriel, en plus. Hein. Je ne savais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, il était à 3 dimensions, disons. Et pourquoi pas. Et puis, et il y avait les moniteurs de la télévision française. Et évidemment, les lecteurs, les nôtres, il a fait ce qu'il a pu. Et il s'est passé une chose extraordinaire. Il avait l'image, il avait les sons, tels que je les connaissais. Et sur les oscilloscopes, il y avait quelque chose qui certainement clochait, parce que les 2 techniciens qui étaient là, qui étaient importants, pas des petits, ils ont dit, mais vous voyez, il n'y a pas d'image. Et en fait, je me suis aperçu qu'ils regardaient l'image dans l'oscilloscope et pas dans le téléviseur. Hein? C'est-à-dire que leur aliénation était tellement forte que pratiquement, il n'y avait plus de cinéma, il n'y avait plus de la vidéo, il n'y avait que l'oscilloscope. Et si la synchro était exactement avec la forme qu'elle doit avoir, il y avait de l'image, si elle avait une forme de patate, dehors. Et les téléviseurs avaient une particularité dans les systèmes français, parce que tout ça, c'est lié aussi aux cultures de chaque pays. Hein? La France a toujours été une culture rationnelle. On la retrouve à la télé. Et alors, tout simplement, pour eux, un signal synchro, où il est synchro, où il n'est pas. Quelle est la marge de l'erreur? Ils s'en foutent. La seule chose, c'est que théoriquement, ils pensent qu'il faut être nul. C'est-à-dire, si la fréquence de balayage est 50, eh bien, c'est 50, c'est pas 49,11. Eh bien, la vidéo légère, quand ils l'ont construit, les messieurs et madame Sony, comme disait Carole, ils ont prévu une marge des précisions telles que même si c'est pas tout à fait 50, mais c'est 50,5, eh bien l'image passe, est stable, et vice versa dans l'autre côté. Dans la télévision française, c'était 50 à disons au centième du centième, sinon out. C'est ce qui fait que tout ce qui était léger, tout ce qui était vidéo légère, ne passait pas. Et elle pavillonnait. Hein, c'est le cas typique. Il fallait tricher. Tu dis ? Il fallait tricher. Puisque tu es physicien. Mais il n'y en avait pas des boutons. C'est ça l'astuce. L'astuce des techniciens, c'est que les moniteurs n'avaient pas tout simplement un petit potentiomètre pour régler la fréquence des balayages. Il fallait le faire avant de leur présenter. Il fallait un TBC. C'est ce qui s'est fait. Oui, mais c'est mais il n'y en avait pas. Dans des productions par la suite où on tournait clandestinement pour la télévision en vidéo légère, on trichait, c'est-à-dire qu'on remettait. Alors après, c'est bien sûr, c'était le producteur qui s'en occupait. Mais au début, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de réglage. Il n'y avait pas encore TBC là. Oui, exactement. Il y avait des TBC après qui permettaient... Après, ils l'ont fait. Mais au début, après, ils sont devenus britanniques. Mais au début, ils étaient très forts. Il faut aussi comprendre quand même que la télé... Le technicien était content, il pouvait regarder sur l'oscilloscope et les autres pouvaient regarder sur l'écran. Et ça, c'est un phénomène général. C'est-à-dire que généralement, les techniciens, c'est des gens qui quand même censurent. L'expression c'était fait artistique. Pour ça. C'était fait pour ça. C'est-à-dire qu'il c'était était chargé pour, ça. Pour éliminer c'est pour les bandes. Tenir la règle. Voilà. Il fallait que ce soit produit à l'intérieur du système. Tout ce qui était produit à l'extérieur absolument, du système c'est était ça. Éliminé sur des questions techniques. S'il ne voulait pas un film qui passe, c'était des raisons techniques. D'accord, mais quand même, la vidéo telle qu'on l'a pratiquée, elle était reliée par un câble. Alors que les techniciens de la télé, eux, ils étaient chargés d'émettre à 1000 km ou à 500 km. Et ils pensaient vraiment à leur oscilloscope parce qu'ils disaient autrement, ça n'émettrait pas. Ils ne voyaient pas que là, on faisait une vidéo câblée. Mais vous les trouvez, j'arrête après, vous les trouvez aussi même dans des lieux un peu où on se dirait que peut-être ça ne devrait pas exister. Mais à la Bibliothèque nationale, mais de l'autre côté de la Seine. Hein? Et je me rappelle qu'on était allé une fois et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, c'était pas important. Oui. Tout simplement. Vous avez deux à vouloir parler. Thierry, effectivement, je voulais parler tout à l'heure et après Michel. Moi, je voulais poser une question qui se posait à l'époque, qui était la pérennité des bandes. Il y avait des grands débats sur la durée. On disait que dans 5 ans, il n'y aurait plus d'images, etc. Bon, on voit des bandes là qui ont presque 40 ans. Ce qui m'intéresserait que vous disiez, c'est quelle conscience vous pouviez avoir justement de la pérennité historique du travail que vous faisiez, ou est-ce que c'était de l'immédiat, puisqu'il y avait aussi à l'intérieur de la vidéo un grand débat entre le fait qu'on ne fait que reproduire, montrer et qu'on se fout du futur au fond, et une vague conscience quand même qu'on construisait peut-être le nouveau cinéma qui dure. Donc, quelle conscience les uns et les autres avaient de que c'était gardé pour l'histoire ou que c'était d'un dialogue immédiat. Mon âme et conscience, je dirais que n'était pas conscient. On pensait qu'on travaillait dans l'ici et maintenant, mais que c'était pas pour la postérité, pas du tout. C'est vers la dernière. Dernière phase, dans les années presque 2000, qu'on s'est rendu compte que nous-mêmes on était touchés par nos propres bandes. C'est-à-dire que quand on regarde même encore aujourd'hui les phares, on a un petit sentiment d'émotion. Hein, pour comment s'appelait la fille qui parle ? Anne-Marie. Oui. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Je vais dire qu'il a fallu du temps. Il a fallu du temps. On pensait qu'on travaillait pour... Puis la dernière chose que je voulais peut-être dire, c'est que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, à Video Out, on avait un petit local qu'on louait, une ancienne épicerie. Et on était peut-être 3 ou 4, 5 peut-être, mais de temps en temps, beaucoup plus. Quand on tournait un film dans une situation où des gens venaient nous voir. Et je dirais franchement qu'on n'a jamais travaillé, nous, en ce qui concerne notre groupe, on n'a jamais travaillé comme un collectif. En fait, on était quatre, et on était quatre amis. Hein? Et quelquefois, en fonction des petits problèmes, peut-être on devenait trois, ou peut-être deux, ou peut-être cinq. Mais on n'a jamais été un collectif. C'est-à-dire que derrière, il y avait toujours cette réaction que je vous ai dit au départ. On se méfiait de tout ce qui était organisation. Et un exemple, et puis je vais terminer, parce qu'il est intéressant. À un moment donné, on a hébergé Gatti, Armand. Pour quelle raison? On avait une copine avec qui on travaillait, mais de la main à la main, une grande copine, et qui est encore une copine, Hélène Châtelain, qui est une très bonne cinéaste aussi. Hein. Et Hélène Châtelain, donc, vivait à l'époque avec Gatti. Et Gatti a voulu s'installer à l'intérieur de Video Out. Et petit à petit, comme c'était quelqu'un très impérial, disons, hein, et il a voulu nous phagocyter. Hein. Et donc, et petit à petit, est rentré et il a essayé presque de nous phagocyter, mais par des dents. Hein. Et puis quand on s'est rendu compte, avec Carole, on a décidé de faire autrement. Au lieu de les vider, on est parti, nous. Et on est allé dans notre maison, et on a continué à faire notre vidéo comme on voulait, et on l'a laissé là-bas. Et lui, il a continué, toujours avec son groupe, qui sont un petit peu comme s'il travaillait avec un saint. Hein, c'était ça. Donc, ce n'était pas notre cas. Ceci pour dire que ce n'était pas une organisation. Il y avait quelquefois des tentatives de prise de pouvoir. C'était humain. Et dans ce cas-là, quelquefois, on se battait. Quelquefois, on ne se battait pas. Et on partait, tout simplement, pour ne pas se mettre dans une situation d'expulseur, en quelque sorte. Ceci pour dire que, en tout cas, on n'a pas fonctionné comme un collectif. Il n'y avait pas donc de réunion collective pour décider qu'est-ce qu'on va faire, qui on va recevoir et qui on va vider. Oui, ça, oui, ça, ça pour faire suite et pour répondre à la conscience qu'on avait, hein, de ça, on ne pensait pas faire des chefs-d'œuvre à tel point qu'on a perdu les ventes, on les reprend. Heureusement que... Il y a une équipe qui les a reprises, etc. On n'avait pas du tout cette conscience. Simplement, on avait le sentiment de s'inscrire dans un mouvement qui allait transformer la façon de faire des films. Et on a continué pendant très longtemps. Alors, il faut pas, pour répondre à... Enfin, pour, disons, faire un contrepoint à, peut-être à l'appréciation négative de tout à l'heure, pourquoi ça s'est dissous? Ça ne s'est pas dissous, ça. Je veux dire, il y a des tas de gens qui ont été formés qui ont enfin, formé au sens, ont découvert la façon de faire des films. De notre côté, on a fait une coopérative, par exemple, il y a des jeunes réalisateurs mais, qui en sont, qu'on vieillit maintenant, mais qu'on en sont à des centaines de films, de fait, et avec des formes nouvelles. Hein. Donc, il ne s'agissait pas de rester pendant 30 ans, toujours dans la même forme des débuts des années 70. Hein. Moi, je revendique une part de création dans ce sens, hein, une petite part peut-être, hein, mais le cinéma que l'on voit actuellement existe parce que tout ça s'est fait en amont, hein, et ça, on en avait conscience quand même. Hein, on s'inscrivait dans un courant historique qui allait être porté par ce matériel qui allait évoluer à toute vitesse. Dans notre groupe, il y avait trois ingénieurs électroniciens, donc je veux dire, entre autres, il y avait une sociologue, il y avait, etc., des tas de gens, etc. Tout le monde discutait de ça. Ça semblait évident qu'il y allait y avoir cette espèce de liberté de filmer. Alors, est-ce qu'on en fait le bon usage maintenant? C'est un autre problème politique. Hein. Il me semble qu'on peut même distinguer aussi les parcours, mais ce sera l'occasion, enfin, les prochaines séances seront l'occasion de travailler là-dessus. Il faut distinguer, à mon avis, les parcours des personnes au sein des groupes ou hors des dits groupes vidéo, puisque certains, certaines venaient, comme Daniel, étaient professionnels déjà du cinéma. Tu avais été formé à l'IDEC, en l'occurrence, je prends ton exemple. D'autres, comme Carole, n'avaient pas été formées au niveau cinématographique, mais se sont professionnalisées. Elle était formée au niveau de l'image photographique et elle est devenue véritablement professionnelle de la vidéo. Mais il y a aussi beaucoup de militants et de militantes qui ont mené une, deux, trois, quatre, peut-être parfois un petit peu plus expérience en vidéo, mais pour qui ensuite tout s'est arrêté. Et en l'occurrence, il faut, voilà, il y a des parcours qui effectivement se prolongent dans le temps, et c'est pas tout à fait un hasard si autour de cette table, en l'occurrence, la plupart d'entre vous êtes devenus effectivement réalisateurs, et on vous a retrouvé sans grande difficulté au fond. Mais il y en a beaucoup qu'on n'arrive pas présentement à retrouver. C'est d'ailleurs aussi l'enjeu de ce séminaire, que d'essayer de retrouver des bandes vidéo et les acteurs et actrices qui les ont tournées, mais qui aujourd'hui seraient vraiment totalement tombées dans l'oubli. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on écrive nous-mêmes aujourd'hui une histoire des pratiques militantes de la vidéo, je dirais à double vitesse, où on va ressortir un certain nombre de noms, quasiment, j'allais dire, autorisés aujourd'hui, des personnes qui, quand même, à l'époque, avec des pratiques effectivement en partie individuelles, en partie collectives, mais qui étaient quand même toujours dans une articulation et des problématiques politique, donc les isoler et puis oublier pour le coup toute une partie des anonymes de la vidéo et des praticiens de la vidéo qui restent aujourd'hui. Et l'enjeu de ce séminaire, mais c'est aussi avec vous justement que nous avons déjà retrouvé, si j'ose dire, qui n'avait jamais d'ailleurs été forcément inaccessible, hein, mais il s'agit donc de faire émerger aussi des pratiques, voilà, plus invisibles encore aujourd'hui. Je pense que c'est important de voir que tout le monde n'est pas devenu réalisateur professionnel, ou tout le monde n'était pas en amont. Ça me semble très important. Non, mais t'as compris, enfin, producteur d'images. La vidéo, c'était aussi une sorte de regard sur les nouvelles technologies de l'information, hein, sur tout ce qui est interactif, sur Internet. Après, vous voyez, c'est pas resté dans le truc étroit de la réalisation. Non, bien sûr. Voilà, hein, c'est complexe. Non, je suis d'accord. Il y a un enjeu aujourd'hui à essayer de retrouver d'autres personnes qui, à un moment donné, ont croisé ce chemin de la vidéo légère qu'on a appelé donc aussi des premiers temps, et de retisser des fils, de remonter les fils avec votre aide. Peut-être qu'il va falloir, hélas, conclure. J'ai deux choses donc à dire avant que nous nous séparions. C'est que on va se retrouver la semaine, le lundi 17 décembre, notamment avec Michel Lefebvre, avec Yvonne, Mignot Lefebvre, avec Jean-Paul Fargier, Daniel Yegui. Il faut que je te demande parce que j'entends. Mais c'est bien Yegui, mais je suis la seule à dire Yegui autour de ça. Oui, parce qu'on est en France. Mais c'est bien Yegui. Franco-français sont difficilement prononçables. Voilà. Mais donc c'est bien Daniel Yegui, donc pour les Sans Fleurs, pour Vidéo 00. On reparlera bien sûr de Vidéo Out. Peut-être que Paul sera en Suisse à ce moment-là, mais bon, on verra. Peut-être que je viendrai en tout cas, ou on viendra te réinterviewer aussi directement et ramener des images de Suisse exprès pour le séminaire. Et puis Anne-Marie Faure pour Vidéa et peut-être d'autres actrices de ce collectif vidéo féministe. Donc cette séance du 17 décembre sera consacrée à ce qu'on a appelé les premiers collectifs. Donc il faudra justement discuter cette question du collectif et cette question du positionnement des groupes vidéo par rapport à d'autres pratiques militantes, et aussi d'ailleurs par rapport au cinéma. On reviendra par comparaison sur les collectifs de cinéma militants également, et sur un texte d'Yvonne Mignot-Lefebvre très important sur la question du groupe vidéo et de son fonctionnement. On essaiera de préparer des photocopies, peut-être que les fois suivantes on vous donnera un peu aussi de matière, si je puis me permettre, à ramener chez vous. Et puis j'ai une information à faire circuler de la part d'Anne-Marie Duguay, qui a beaucoup qui regrettait beaucoup de ne pas pouvoir être avec nous ce soir et qui a assuré l'introduction de ce séminaire. Les vidéos de Nakaya qu'elle a évoquées brièvement la semaine le mois dernier, le 22 octobre, je dis toujours semaine alors que c'est mensuel ce séminaire bien sûr. Donc me disait tout à l'heure que ces vidéos donc de Nakaya, celles qu'elle a réalisées à partir de 1971, donc des pratiques militantes de la vidéo au Japon. Ces vidéos donc, seront projetées le 6 décembre à 19h au Palais de Tokyo. Donc le 6 décembre à 19h au Palais de Tokyo dans le cadre des rencontres Paris-Berlin-Madrid. Je me permettrai de vous faire circuler, on se permettra de vous faire circuler cette information sur la liste qu'on est en train de constituer autour du séminaire vidéo des premiers temps. Et donc le dernier élément, eh bien, si vous n'avez pas pour l'instant encore noté votre adresse mail, un papier circule, je ne sais pas exactement où il est, voilà. Surtout, indiquez votre mail pour qu'on vous intègre, en tout cas si vous le souhaitez, dans la liste de diffusion de l'information de ce séminaire et bien sûr au-delà. Et un certain nombre d'éditions sont en cours ou de films. Par exemple, Jean-Henri, tu viens de faire paraître Neige. Alors, ce n'est pas la vidéo des premiers temps, mais. Non, c'est pas la vidéo. Mais moi, je suis très contente. C'est pas la vidéo militante, toi-même. Mais bon, voilà. Il y a pas la neige. Je mentionne en l'occurrence une sortie DVD d'un de tes films qui vient. En même temps aussi, par contre, de la période dont on va parler, sort là. Et le coffret Godard. La Gaumont sort. Voilà. Tous les films de la période d'Yavertov, tout ça, etc. Avec un modus je suis quand je parle, tout. Et je vais changer de sujet. Et donc ça sort, hein, j'ai vu que ça sortait. C'est sorti. Voilà. Et pendant très longtemps, ils ont été inaccessibles et ils étaient édités ces dernières années en Espagne, mais pas encore en France. Donc, je peux revenir loin en arrière. Vous parliez de pérennité des bandes. Ah. Ouais. On a une cassette U-matique tournée en 1976. Chaque fois qu'on tombe sur un U-matique qui marche encore, on la met dedans. Elle continue à. Bon. Non, c'est le magnétoscope qui était plus difficile à faire fonctionner. Les prothèses de lecture sont. Si on a perdu tout ce qu'on avait tourné pour la ferrure, c'est parce qu'on n'arrivait plus à retrouver un IVC capable de relire notre montage. Vous allez voir le scénario. Même l'IVC qui avait servi à le monter. Et la DNF aussi. Non, mais vous allez voir le sous-marinier de Paris 8, il a tout ça. Ah, le sous-marinier de Paris 8, c'est les anciens mecs du groupe, des ingénieurs. Mais on a jeté les bandes. Qui sont des mecs vachement bien. Et il n'en reste plus qu'un, il part à la retraite bientôt, c'est terrible. Il a tout. Mais tout, il est surchargé. Tout, non, tout, non, mais nous aussi, on avait, mais il marche. Le carte de pouce, des trucs, il ne s'est pas vu. Il a les bandes colles sur les tambours. C'était une machine à ça. Alors, je rappelle aussi, hein, donc, évidemment, que si le partenariat, enfin le fait que les choses se passent à la BNF et que la BNF soit impliquée, il y a en fait au fait que nous avons le projet avec ce séminaire de collecter, de sauvegarder ces vidéos, comme on l'a fait avec Vidéo 00 il y a quelques mois, et donc comme on est prêt à le faire avec chacune de vos bandes. Et d'ailleurs, on est pressé aussi de rencontrer le sous-marinier depuis que... Enfin, je l'appelle comme ça, parce qu'apparemment, c'est son nom. Depuis qu'Hélène l'a rencontré... Sur l'impulsion de plusieurs d'entre vous, et en particulier... Vous pouvez se dire, mais c'est vrai qu'au-delà du transfert des bandes, que visiblement, il est à même d'assurer de façon... exemplaire, et encore une fois, je pense qu'on a tout à fait intérêt à se mettre en contact avec lui aussi pour apprendre des choses. Il y a aussi la question de la pérennité du document une fois qu'il est numérique. Et ça, là aussi, le soutien d'une institution qui va, dont la durée est au-delà de nos pauvres existences à tous, est importante parce qu'effectivement derrière on a aussi une fois le document numérisé une structure d'archivage numérique qui permet de pérenniser les bandes. D'ailleurs je dois des fichiers numériques à certains d'entre vous autour de cette table. Je vous promets que d'ici Noël vous aurez tous ce que je vous dois. Donc à la prochaine séance, c'est un appel à venir en plus à la prochaine séance. Le sous-marinier il m'a dit là dernièrement qu'il est arrivé finalement à restaurer le Living Theatre. Ah ben. Qu'il arrive à sortir, il a... Parce que tous ces gens-là sont venus à Vincennes. Donc ils ont tous été filmés avec les grosses caméras qu'on avait. Sauf que ces trucs-là, plus personne, on ne savait même plus que ça existait. Quoi. Et donc le sous-marinier est dessus et il m'a dit, je crois que je vais arriver à sauver le théâtre. Alors il expliquait que pour une minute, il, est capable d'y passer 24 heures. Hein, pour sauvegarder une minute et la restaurer. Voilà, donc il ne compte pas son temps. Nous vous remercions, tout particulièrement donc les invités de ce soir, et puis je ne peux pas m'empêcher tant pis de dire en particulier la guest star Paul Roussopoulos, j'espère ne vexer aucun des autres invités. Et donc au plaisir de retrouver certaines, j'espère, d'entre vous le 17 décembre. Et voilà, merci de votre présence à tous et à toutes.